La flûte qui s'est tue, de René Vivien, enregistrée pour LibriVox.org. Je m'écoute avec des frissons ardents, moi le petit faune au regard farouche. L'âme des forêts vit entre mes dents, et le dieu du rythme habite ma bouche. Dans ce bois, loin des égipans rôdeurs, mon cœur est plus doux qu'une rose ouverte. Les rayons, chargés d'heureuses odeurs, dansent au son frais de ma flûte verte. Mêlez vos cheveux et joignez vos bras, tandis qu'à vos pieds le bélier s'ébroue, nymphe des halliers. Ne m'approchez pas, allez rire ailleurs pendant que je joue, car j'ai la pudeur de mon art sacré, et pour honorer la muse hautaine, je chercherai l'ombre, et je cacherai mes pipeaux vibrants dans le creux d'un chêne. Je jouerai, parmi l'ombre et les parfums, tout le long du jour, en attendant l'heure des cœurs turbulents et des jeux communs et des seins offerts que la brise effleure. Mais je tais, mon chant pieux et loyal, lorsque le festin s'exalte et flamboie. Seul le vent du soir apprendra mon mal, et les arbres seuls connaîtront ma joie. Je défends ainsi mes instants meilleurs. Vous qui m'épiez de vos yeux de chèvre, ô mes compagnons, allez rire ailleurs pendant que le chant fleurit sur mes lèvres. Sinon, je suis faune après tout, si beau que soit mon hymne, et bouc qui se rebiffe, je me vengerai d'un coup de sabot, et d'un coup de corne, et d'un coup de griffe. Fin du poème, enregistré par Violette. Cet enregistrement fait partie du domaine public.